retrouve Franck Ferrand aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck et bonne année 2018. Bonne année Raphaël, bonne année à tous. Je vous propose de nous retrouver un 1er janvier, celui de 1515. Alors d'ailleurs, disons honnêtement qu'à l'époque, il était daté de 1514 parce que l'année ne commençait que le 1er avril à cette époque. Oui. Le 1er janvier 1515, on peut dire le roi est mort, vive le roi. Le roi qui vient de mourir, c'est Louis XII. Le comte d'Angoulême, un certain François de Valois, un grand et beau jeune homme de 20 ans, lui succède et désormais, on l'appellera François Ier. Et quel est son lien de parenté avec Louis XII? Oh, c'est un cousin éloigné. Il n'était pas destiné à être roi. Seulement, Louis XII n'a pas réussi à donner un héritier à la France. Et par élimination, c'est finalement le cousin François qui devient donc roi ce 1er janvier 1515. Il doit son accession au trône à sa mère, Louise d'Angoulême, qui a tout fait pour cela et qui d'ailleurs l'a élevé dans cette idée. Elle a fait de lui un roi bien avant qu'il n'accède au pouvoir. Au passage, avec son avènement, la dynastie change de branche, ce seront dorénavant les Valois, donc du sang neuf, et l'accueil est enthousiaste. Il commence bien son règne, ce François Ier, puisque 1515, c'est Marignan. Évidemment, la victoire de François Ier, le 13 septembre, qui restera dans l'imaginaire collectif. Pour ma part, il me semble que c'est oublié un petit peu vite que la suite du règne va être beaucoup moins glorieuse que le début. C'est oublié Pavie, par exemple, une défaite désastreuse. François sera fait prisonnier, le royaume devra payer une rançon gigantesque. Ce roi, disons-le, était aussi aveuglé par son espèce de rivalité avec Charles Quint. Mais enfin, ça nous entraînerait sur d'autres terrains.